Mode de cuisson. Baptême du feu. Faustine a été mandatée pour l'élaboration d'un repas in situ. De retour chez elle, la future célébrissime chef ouvre ses livres de cuisine, histoire de se rafraîchir la mémoire. Comment fait-on une sauce hollandaise déjà? Elle constate avec plaisir qu'elle n'a pas tout perdu de ses notions récemment acquises. Ensuite, désœuvrée jusqu'au lendemain, elle part en quête de quelques bouteilles d'alcool bon marché, susceptibles de servir dans la confection de sauces. Ou pas. Depuis la fin de la prohibition, la vente d'alcool est très réglementée dans certains états des USA. En Virginie, on ne trouvera jamais d'alcool fort dans les supermarchés, par exemple. Les magasins officiels, comme l'ABC Liquor Store de Manassas, ne sont ouverts qu'à certaines heures. Il faut avoir plus de 21 ans, carte d'identité valide à l'appui, pour acheter du bourbon, du gin ou de la vodka. Faustine est mortifiée. À 25 ans, elle en paraît à peine 18. Les vendeurs soupçonneux refusent de croire que sa carte, étrangère, est valable. Elle rentre bredouille. Il devient urgent qu'elle passe son permis de conduire. Sur la foi d'une social security card bien de chez eux, peut-être qu'on lui fera plus confiance. Sur ces entrefaites, Martine réplique. Elle s'est disputée avec son amoureux du moment qui ne voit pas l'avenir, mariage, maison, bébé, avec le même optimisme. Puisqu'elle dispose d'un peu de temps, et pour cause, elle propose à Faustine de s'inscrire pour passer le fameux permis. Hélas, à 7 heures, les bureaux sont fermés. Faustine propose d'y retourner après avoir cuisiné chez la vieille dame de la colline. Elle aura gagné ses 30 $. Elles pourront s'offrir un bon resto ensuite. Ainsi sera fait. Confiante, Faustine monte sur la colline, sa mallette de couteau, fouet et fourchette à la main. Le même estafier lui ouvre la porte. La cuisine est presque propre. Les ingrédients sont posés sur l'immense comptoir. Elle n'a même pas besoin d'ouvrir le frigo, tout est à portée de main, y compris le mixeur. Quelle prévoyance! La sauce est vite préparée. Les asperges déjà épluchées et cuites sont dressées en un quart de tour. Ne reste plus qu'à rafraîchir le pain dans l'immense four. Faustine poursuit avec la mousse au chocolat qui pourra prendre pendant qu'elle s'attaquera au cordon bleu. Levant la tête, elle remarque alors que les employés sont là, debout, immobiles et silencieux, entre deux portes. Ils l'observent. Hésitant à leur faire payer une entrée comme aux zoos, elle leur fait un gentil sourire sans s'arrêter. Tant qu'ils n'empiètent pas sur son territoire, n'est-ce pas? Les filets de poulet, comme à peu près tout ici, sont très grands. Les couper en deux, y insérer une tranche de jambon pliée à l'intérieur de laquelle elle dépose une grosse lamelle de fromage, est un jeu d'enfant. Faustine a pensé prendre du fil à rôtir à une grosse aiguille. Elle tient à soigner le travail. Elle aime bien coudre la viande. Elle aurait voulu être médecin. Sitôt le filet soigneusement refermé, elle le roule dans la farine, ensuite dans de l'œuf et enfin dans la chapelure qu'elle a rapportée de chez elle. Elle fera griller puis cuire son œuvre le moment venu. Pour suivre, elle prépare une bonne purée de pommes de terre maison ainsi que des haricots verts et une sauce brune. Quand tout est prêt, les domestiques font le service. Les plats reviennent vides, les assiettes aussi. Cela doit signifier que les convives sont satisfaits. La mousse au chocolat est littéralement nettoyée. 2 heures plus tard, la cuisine rangée et la vaisselle réduite, le maître d'hôtel apporte son enveloppe à Faustine, lui signifiant qu'elle peut rentrer chez elle. Mission accomplie. Comme promis, Faustine invite Martine au resto. Après quoi, elle se présente au département des véhicules à moteur pour passer leur permis de conduire. Comme Faustine a déjà son permis français plus un permis international, on ne l'ennuie pas trop avec le code. On lui présente juste une feuille comportant quelques questions très faciles. Maxime lui a quand même donné les réponses. Le préposé prend sa photo et 10 minutes plus tard, tout est en ordre. Pareil pour Martine. Les jeunes femmes rient beaucoup à l'énoncé des questions, tout juste si on ne leur demande pas de quelle couleur sont les lignes jaunes et si les aveugles ont le droit ou non de traverser au rouge. Pourtant, les responsables ont gardé leur sérieux du début à la fin et énormément insisté sur ce qu'il était légal ou illégal de faire. Bref, munis du précieux document, les deux complices ont juste le temps de se rendre au magasin d'État avant la fermeture pour se procurer une ou deux bouteilles de Newhall. Déçus, tout d'abord, les alcools forts ne titrent pas à plus de 40 degrés, elles sont agréablement surprises par la modestie des prix. 2 ou 3 dollars à peine, 75 centilitres de vodka. Même à 40 degrés, c'est une affaire. On dirait qu'ici, l'alcool, comme l'essence, sont 4 fois moins chers qu'en Europe. Voilà qui promet de jolies soirées. Des Bloody Mary et des gin tonic à profusion. À la caisse, on emballe leur butin dans des sacs en papier opaque. Interdiction absolue et totale de montrer qu'on transporte de l'alcool. Quels hypocrites, pense Faustine. Partout dans ce pays, on peut voir des hommes têtés dans leur voiture ou ailleurs, au goulot d'un brown bag. Tout le monde le sait et personne ne dit rien. En soirée, nouveau coup de téléphone. L'amoureux de Martine souhaite venir la rechercher. Déjà bien pompette, elle oublie ses griefs passés et coup de blush sur les joues, couche de rouge sur les lèvres, la voilà prête pour de nouvelles folies. Faustine, de son côté, est mûre pour une nuit sans rêve. Les jours suivants, elle reprend ses travaux de couture. Les petits paniers s'empilent gentiment. Elle va bientôt pouvoir en proposer à Jody, sa nouvelle amie, qui gère le magasin cadeaux souvenirs. Et si elle lui proposait des truffes au chocolat en même temps, c'est une bonne idée, non? C'est la vieille dame sur la colline qui a de nouveau besoin de ses services. Pouvez-vous venir vers 17 h? Faustine peut. Elle y va. Le salon est toujours aussi poussiéreux. La bicentenaire aussi, qui cette fois lui serre la main. Manifestement, elle a apprécié la première prestation de sa nouvelle cuisinière. Nous avons eu un décès dans la famille. Je vais recevoir une 40aine de personnes après l'inhumation. J'aimerais un buffet léger. Vous pouvez assurer cela? Toutes mes condoléances, madame. Oui, bien sûr. Vous aurez un budget de 10 $ tout compris. Mais vous pouvez vous servir dans la cuisine et prendre tout ce qui vous sera nécessaire. Ça va faire léger. C'est à prendre ou à laisser. Oh, la chipie, pense Faustine. Elle me renvoie la monnaie de ma pièce. Bonne joueuse, un brin curieuse, elle accepte le défi et se rend à la cuisine. Le larbin, en grande cérémonie, lui ouvre la porte du réfrigérateur. À l'intérieur, catastrophe! La puanteur est caractéristique. Ce fridge n'a pas été lavé depuis plusieurs années. Ils se foutent du monde, de leur patronne surtout, les domestiques, ici, se dit la jeune femme, qui en éprouve un léger pincement au cœur. Ce n'est pas qu'elle soit outrancièrement empathique, mais elle n'aime pas qu'on abuse des faibles et des vieux. Dans les compartiments, les ingrédients varient entre le vert et le gris. Faustine passe beaucoup de temps à rechercher quelque chose de comestible. Au final, elle récupère une boîte de Philadelphia cream cheese qu'elle ne connaît pas du tout, mais qui, à vue de nez, semble comestible. Elle trouve des œufs dont la date fraîcheur n'est pas trop dépassée, une demi-saucisse sur laquelle manquent les éléments d'identification, ainsi que d'utilisation, et une plaque de beurre à peine rance. Dans les placards, elle trouve 1 kilo de farine, a priori sans charançon, et un bocal de cornichons au vinaigre. Dans la panière, 1 peu de pain toast récupérable si on en retire les bords. Munie de son précieux butin, Faustine se replie dans sa maisonnette. C'est sûr, il va falloir rivaliser d'imagination cette fois. Elle mettra 8 heures pour obtenir satisfaction. à raison de 3 pièces par personne pour 40 convives, elle a réussi un exploit. Après avoir appris à maîtriser les accessoires de mesure, les cups et les spoons, les quarts et les pints, elle a confectionné des petits choux salés et sucrés. Remplis une moitié de farce au fromage en 3 couleurs différentes, paprika, curry, herbe, l'autre de crème pâtissière, vanillée ou chocolatée. Un léger glaçage décore ces derniers. Avec la demi-saucisse qui ressemblait fort à des rillettes, elle a élaboré des petits canapés agrémentés de demi-cornichons taillés en éventail, 2 rondelles d'olive et de radis sculptées en rosace. Le tout à fière allure, et ce n'est pas sans un certain contentement de soi qu'elle grimpe sur la colline livrer son travail. Elle a laissé Martine couchée sur le comptoir, entortillée dans le fil du téléphone, essayant d'amadouer son amoureux pour qu'il l'emmène en voyage. Si elle avait l'idée de faire la vaisselle et de ranger la cuisine avant, ça l'arrangerait bien. Toutes les lumières sont allumées dans le bunker rouge brique. Le maître d'hôtel affiche la même morgue visqueuse, regarde cette étrangère d'un œil incroyablement méfiant. Aurait-il peur d'une dénonciation? Pointant du nez les petits canapés, il demande « C'est quoi ça ?»« Du pâté français. » Étrange. « Vous verrez, c'est très bon. Je vous l'apporte sur place ?»« Non, pas la peine, je m'en charge. Voilà votre enveloppe. »« Merci, au revoir. » Et Faustine de rentrer chez elle, non sans un petit détour à la station-service, histoire de remplir la glacière de bière. Alors qu'elle quête sa gratification, elle ziote les rayons avoisinants, avisant dans le fond d'une armoire réfrigérante des saucisses ressemblant à celles qu'elle a tartinées dernièrement, elle s'en empare. Elle va enfin savoir de quoi il s'agit. C'est bien de la saucisse. De porc. Faustine la retourne et lit « Mode de cuisson ». Il leur faudra plusieurs canettes de bière avec Martine pour mater le fou rire inextinguible qui les prend dès lors que Faustine a raconté le quiproquo. Elle passe la soirée à imaginer ces bourgeois tombant comme des mouches après avoir ingéré les jolis petits canapés, suscitant de nouveaux deuils et donc une clientèle multipliée pour Faustine. Heureusement pour elle, la saucisse de porc cru n'a empoisonné personne ce jour-là. Elle aurait pu, la date de péremption n'étant pas plus visible que les instructions de cuisson. Faut croire qu'ils ont l'estomac solide, ces ricains. 2 semaines plus tard, Faustine redoublera de rire en recevant par la poste un gentil courrier de la part de la vieille dame qui la remerciera pour son dévouement avec un nouveau billet de 10 $. Le même jour, Martine, larguée par son dernier amant, rentre au Québec. Le mari et les enfants, ce n'est pas pour cette fois. Faustine la raccompagne à la gare de bus de Manassas. Elles promettent de se revoir un de ces 4. Sur le chemin du retour, Faustine s'arrête au centre commercial de Manassas. Il y a bien longtemps qu'elle a envie d'essayer quelque chose. C'est le moment ou jamais.